Alors, Alors, avec moi, Nio et Nelson. bon. Alors, je suis désolée d'avance s'il y a peut-être un fond sonore, en fait, en ce qui me concerne, parce que je suis en extérieur. Donc, il y a des piafres, là. Je ne sais pas si quelqu'un les entend. Mais voilà. Voilà. Non, mais un jour, on arrivera à s'arranger dans un bar quand tout va rouvrir, tu vas voir qu'elle est stable. Voilà. Ah oui. Donc, ça sera bien, on sera à moitié brûlé, ce sera parfait, en fait. Rien de tel que pour mettre une bonne ambiance. Entre deux beurres pour entre Entre alors, deux voilà problèmes ce bourrés que qui je vont pense. s'appeler. Voilà ce que je pense du dernier film. Du coup, alors aujourd'hui c'est encore une encore plus petite semaine en fait, parce qu'en fait on a de plus en plus de jours de chargé. Mais on essaye quand même de parler au moins de voir quelques films. Oui. Après, en ce qui concerne Nelson, c'est surtout qu'en fait pour toi les autres films que t'as vus, ça vaut pas le coup d'en parler quoi, je crois, d'après ce que j'ai Bah, compris. ouais. En tout cas, c'est pas, ouais, c'est une constatation, en fait, d'un mode de récit qui devient chiant au final, D'accord. quoi. Voilà. Alors, on commencera d'abord avec moi. Comme je le disais à mes compères hors enregistrement, en fait, j'avais envie de me faire mal et j'avais envie de comédie. J'avais envie de comédie franchouille française. Je sais pas pourquoi. Et Ouais, du t'as coup, pas été souffert. mais c'est ça. Et du coup, Tu voulais revivre ces années 70-80. ouais, je sais pas, j'avais envie d'un truc où je réfléchis pas et c'est gagné. Parce que j'ai regardé Opération 118-318, Sévice Client, de Julien Oh Baillargeon. là là. Ouais, Baillargeon, je vraiment des crois. mauvais films. Oui. Alors, il date de 2010, Ouais. hein. Ensuite, il y aura Nelson avec, dis-moi. Alors, les affranchis. Ouais, de Les Martin affranchis de Martin Scorsese. Scorsese. Voilà. Et ensuite, on terminera aussi par moi, en fait, avec Vox Lux, qui est de Brady Corbett. Enfin, Corbett, mais je crois qu'à l'américaine, on dit Corbett. Qui est un film de 2018, voilà, qui est sorti directement en VOD chez nous. Donc on va commencer. Nio, lui, il est là parce qu'on l'aime bien, en La vie était surprise aujourd'hui. Il passait par là. Ouais, ça Mais non, fait mais parce deux. qu'on peut pas se passer de toi aussi, parce que c'est une émission sans toi, même si t'as pas eu le temps de voir des trucs, Parce que je suis cofondateur, c'est bon. Mais oui! Mais oui, c'est obligé que tu sois là. Alors, je vais commencer avec Opération 118-318. Alors, autant dire, ça sent la production cheap de partout. On sent qu'ils n'ont pas voulu mettre beaucoup de sous-sous. Alors, le truc, c'est que c'est censé se passer en province. Je pense que c'est aussi une manière de voir la province. C'est toujours la même chose, en fait, la manière dont le cinéma retranscrit certaines choses à l'écran. Voilà, c'est pas terrible. Oui, quand tu dis ça ne m'assure pas du tout. Ouais, et si je peux me permettre, c'est Ouais. la même manière que en fait, c'est une espèce de manière un peu, on va dire, parisianiste, sans no offense. En fait, on a l'impression vraiment que dès qu'ils partent, sortent de Paris, d'un coup, le nord, c'est des pauvres, le sud, c'est des fêtards, tu vois. Voilà, C'est c'est ça. ça Et qui en est fait, le spécial. truc, c'est que du coup, on a toute une galerie de personnages qui est assez, enfin qui est haute en couleur. Enfin, mais après, c'est pas trop appuyé dessus. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils sont, pour le coup, ils sont vraiment dans le fond, les mecs. Donc, on a une palanquée d'acteurs qui est pas très connue ou qui a fait de la pub ou tu vois. Enfin, il y a par exemple une nana dedans qui est typiquement une meuf qu'on a vue dans plein de pubs à l'époque dans les années 2010, quoi. Avec une toute petite voix au perché comme un enfant, quoi. Et on l'a vu vers plein de pubs à l'époque, donc ça fait un moment qu'on la voit plus, parce que c'est quoi dire, mais quand on est un acteur et qu'on fait de la pub, il y a des périodes, en fait, où on marche beaucoup et d'un coup, plus rien. Et voilà, c'est sûrement plus son époque, ou je sais pas. Donc elle joue dedans, et puis il y a d'autres acteurs, d'autres gueules qui diront pas grand chose à d'autres gens, et en fait, finalement, la seule personne, les personnes les plus connues, parce qu'il y a un acteur, en fait, le rôle principal, celui qui fait le rôle. Alors, je vais vous dire d'abord le synopsis, ça va être plus clair. En fait, c'est l'histoire de Mathieu Poliven, qui est un jeune banquier d'affaires. Enfin, c'est un Macron avant Macron, si vous voulez, quoi. Qui est parachuté en urgence en Haute-Loire pour redresser un call center. Et D'accord. donc lui voilà, lui son truc c'est plutôt les hauts postes machin et tout, et d'un coup on lui dit hey, tu vas faire directeur d'un petit call center de province, voilà. Donc du coup Oh putain. où dedans ils font du crédit à la consommation et qui font aussi qui s'occupent aussi de qui ont une filiale qui s'occupe d'internet aussi, enfin bon voilà quoi. Et donc dans ce call center, donc il y a plein d'une galerie de personnages, voilà, qui sont censés être attachants, qui sont bien gentils. En gros, on vous fait dire qu'ils sont bien gentils, mais qu'ils sont pas forcément intelligents. Enfin, pas forcément intelligents. Disons que c'est, voilà, ils sont un peu spéciaux, quoi. Juste un peu, hein. Voilà, mais non, mais très généralement. Mais après c'est avant tout leur gentillesse qui ressort. C'est-à-dire que, et en fait, le truc, c'est que il y a de son côté. Il y a un personnage qui est joué par Boudère, qui lui est l'archétype du petit jeune de banlieue, qui a une grande gueule, qui est débrouillard, voilà. Et on va lui trouver un job dans ce call center. Donc quand le fameux jeune banquier arrive, ça fait un mois qu'il travaille dans ce call center. Et en gros, c'est le personnage de Boudère, voilà, qui va être la clé de la réussite du call Oui, parce que center, quoi. c'est bien connu, les rebeux, ça bosse dans les call centers. C'est ça. Grand. Non, mais c'est ça. Je spoil, mais en fait, il y a un schéma de scénario qui est fichrement classique, quoi. C'est-à-dire que le jeune banquier qui méprisait le call center, il va finir par s'attacher au call center et y trouver l'amour. Et le petit jeune de banlieue débrouillard, il va être la clé pour faire réussir le call center. C'est tout ce qui est plus classique, en fait. Et Un pas jeune qui affreux. réussit, quoi. C'est ouais, et puis pas du tout original, quoi, tu vois. Et vraiment, ce qui caractérise le truc, c'est vraiment le côté cheap. C'est-à-dire que t'as déjà musicalement, je suis pas sûre qu'ils aient eu les droits pour quoi que ce soit, parce que oh, qu'est-ce que c'est pauvre. C'est-à-dire toute l'introduction, en fait, ça réclamerait un peu de musique pour dynamiser, pour faire rentrer le spectateur dedans. Bah y a rien, en fait. Donc c'est super plat, quoi. Y a pas de rythme. Et donc oui, voilà. Bon, au début, t'as Jacky Berroyer qui joue un rôle. C'est dingue parce qu'au générique, ils le mettent dans les premiers alors qu'il fait un rôle au début, quoi. Il joue le cliché d'un conseiller Pôle emploi qui fait rien, en fait. Non, mais c'est pas trop cliché non plus pour le coup, hein. Si, si, moi je t'assure, parce qu'en fait, enfin, c'est pas qu'ils, enfin, ils font pas rien. Après, ils Non, font mais pas c'est ce que je veux forcément ce dire, qui est c'est ce que je veux utile. dire. Ils font pas forcément ce qui est utile parce qu'il y a aussi que bon. C'est un mélange de plein de choses et que voilà. Après, on va verser dans des opinions particulières, mais de nos jours, les conseillers Pôle emploi, on leur file un portefeuille de chômeurs à dire, vas-y, il faut que tu t'occupes genre de 300 personnes, un truc comme ça, tu vois. En Donc fait, c'est pas qu'ils font rien entre guillemets, c'est juste que parfois ils ont pas les compétences pour s'occuper de pas mal de profils qui sortent pas du tout dans ils n'ont leur pas la sens, quoi. formation du tout parce que c'est difficile. En fait, ils sont obligés d'appliquer des méthodes globales. Qu'on leur donne des méthodes globales, alors qu'ils n'ont des portefeuilles que de cas particuliers. Donc, forcément. Enfin bon, là, on verse dans des trucs. Bref, du coup, il fait le cliché C'est la du. minute sociologie. Ouais. Là, en fait, on verse dans le cliché de conseiller pour l'emploi qui fait rien, du coup. Et en fait, on sent que justement, voilà, il y a une envie de faire une bonne vieille comédie avec des gueules et des physiques dans les second rôles. Mais il n'y a absolument pas l'énergie pour ça, quoi. Tu vois, c'est pas drôle, c'est mou du genou, quoi. Je peux me permettre Ouais. 2 secondes. Je regarde la fiche Wikipédia du Mmh. réalisateur et en fait le mec il n'a fait que ce film-là et il marque. J'ai l'impression en fait que c'est lui qui a rédigé sa fiche Qui, quoi? Wikipédia parce qu'il a marqué J'ai l'impression que c'est lui qui a réalisé sa fiche Wikipédia. Ouais. Parce que dans la fiche Wikipédia, il y a marqué, en 2010, il réalise opération 118-318, service client, un long métrage de commande. Tu vois? Il bien, non, mais c'est possible, hein. Je veux dire, avant le directeur, en fait, en réalité, officiellement, il a travaillé sur un court métrage à lui. Non, c'est même après le film, un court métrage à lui, quoi. Et il a fait monteur sur un truc de télé, un téléfilm de télé. Donc, c'est un photographe à la base. Voilà. Donc en fait, le truc, tu vois, c'est d'ailleurs, c'est hallucinant parce que du coup, ça s'en ressent vachement, quoi. C'est-à-dire que le mec, enfin. C'est bien gentil d'avoir des relations en fait, mais il y a un moment des réalisateurs, on en manque pas, des gens on en manque pas, qui des gens qui connaissent les techniques de la réalisation, qui sont pas forcément parfaites, mais on manque pas de réalisateurs en France, quoi, tu vois, qu'on pioche déjà dans les réalisateurs qui connaissent leur boulot, qu'on fait des courts-métrages plutôt que confier ça à un mec voilà qui donc ça va être le premier truc, voilà, c'est bon. Attends, parce que juste, je fais une parenthèse rapide. Mm-hmm. Je viens de voir une photo du groupe du film, enfin mm-hmm. des je crois que c'est des réels, enfin pardon, des acteurs et tout. Ouais. Et il y a des sacrées têtes de calamar dedans. Mais c'est pour ça que je te dis, il y a une volonté de faire un film à gueule, quoi. Et, ouais, et c'est alors il y a mais ouais, mais comme si c'était dans les années 70, on avait notre force aussi dans le cinéma français, c'était de faire des films où les acteurs avaient des vraies gueules, quoi. Tu les mettais en rôle secondaire et en plus ils étaient investis dans leur rôle et voilà, c'était nickel, ça apportait des trucs, que ce soit en comédie, que ce soit enfin voilà. Là, ils se sont dit, on va se contenter. J'ai l'impression qu'ils reposent un peu trop sur le fait, genre, un peu trop sur le fait qu'ils ont des acteurs avec des trucs particuliers, quoi. On a aussi, dans le genre cliché aussi, tu vois, on a un mec qui fait un technicien informatique, bah, fatalement, c'est un Indien sikh. Et puis, en plus, pour faire encore plus lourd, ouais, ils ont fait en sorte que le personnage, ce soit un personnage cotorep. Et du coup, qui parle bizarrement, tu sais, avec un truc qui fait tu vois, enfin, à chaque fois qu'il débute une phrase. C'est même en 2010, je suis désolée. C'est en fait, voilà. C'est vraiment pour. C'est lourdin, quoi. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est des films qu'on fait de moins en moins, quoi, tu vois. Donc, parce qu'on se rend compte que le public n'est plus sensible à ça, quoi. En plus, il y a aussi l'archétype du geek. Oh, c'est une horreur, quoi. C'est-à-dire que je sais pas en quelle année était fait Cyprien, je me souviens plus du tout. Je vais regarder, mais je crois que c'est en 2011. Voilà, bah le film est de 2010. Et ben c'est, enfin, l'image du geek dans ces années-là, c'est une horreur. C'est-à-dire que on a l'image typique du geek qui a le cheveu. Pardon, Cyprien, c'est 2010. Oui, voilà, c'est pareil, le film est de 2010, c'est pas long. Donc, on a l'image du vieux geek qui vit dans sa chambre, dont les murs sont peuplés de posters et qui cite un truc de comique à chaque phrase. Fatalement, à un moment, il te sort « Vous savez ce que c'est que le pouvoir ? De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. » Enfin, tu vois, il te cite un chaque truc. « Oui, vous savez ce qu'il dit dans tel comique et tout ?» Enfin, sérieux, on en connaît des geeks, voilà, tout. C'est pas comme ça que ça se passe. Je veux dire, il y a un moment, l'image du geek, c'est pénible, quoi. L'image du geek dans le cinéma français, dans le cinéma, c'est super pénible, quoi. Enfin bon, et je te dis le vraiment l'image du geek dégueulasse qui doit avoir 40 ans avec le cheveu gras chez sa mère, quoi. C'est mais ouais, enfin, c'est pas possible, quoi. Après le mec qui fait le jeune cadre dynamique, le jeune banquier là, bon, il est censé faire le jeune premier, mais bon, il a un peu le charme d'une moule coincée, quoi, tu vois. Donc c'est une moule, mais grave, mais on dirait un peu convenant, en fait. Non, mais même dans le jeu, il est mou du fin. C'est, y a aucun charme, quoi. Enfin, c'est, y a pas de charisme. Enfin, c'est, y a pas un truc attractif, quoi. Et du coup, bah, fatalement, tu vois venir la love story avec sa collègue à 3 km, quoi, tu vois. Puis comme de par hasard, l'inspecteur du travail, c'est le grand méchant loup, hein, voilà. Parce que faudrait surtout pas. Un film de droite. Non, en fait, c'est pas forcément un film de droite. C'est C'est surtout en fait pour montrer que les salariés sont investis. C'est plutôt maladroit en fait de la part du REA. Par contre, ouais, effectivement, c'est du coup au final en fait c'est ça revient à dire oh là là le méchant inspecteur du travail qui veut fermer la boîte. Qu'il faudrait surtout pas rappeler que pas un seul moment en fait dans le film il est montré que l'inspecteur du travail il est là pour le salarié quoi, tu vois. C'est assez dingue. C'est hyper partisan. En fait, c'est parce que c'est surtout, enfin, partisan, mais c'est surtout qu'en fait, c'est le film de formule facile. Ce n'est que des trucs formule facile. Faudrait surtout pas, voilà, faudrait surtout pas se creuser la tête sur certains trucs, quoi. Après, c'est tellement chiant que moi, j'ai cru qu'ils, enfin, à un moment, ils vont dans le Maroc, au Maroc, en fait, dans l'histoire, et j'ai même cru qu'ils avaient tourné en France en disant croire que c'était le Maroc. Mais non, effectivement, oh, non. Non, mais quand tu regardes le générique, il y a équipe marocaine, tu vois, c'est vrai. Ah ouais. Donc, t'as été obligé d'aller chercher vraiment en disant, ah, oh, c'est jamais. Non, mais. Ils sont voilà. Capables de tout. Ah mais oui, bah tu sais, on l'a déjà vu. Hein. Je crois que c'est les Américains qui sont spécialistes de ça, de faire croire qu'ils sont venus en France en fait dans les séries et tout. Et en fait, ouais. Ils ont tourné ça en studio chez eux, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, pour les pays arabes, les productions américaines, ils vont au Maroc, hein, tu vois. Oui, voilà. Et c'est chez eux. Ils ont chopé des acteurs quand ils ont vraiment pas d'argent. Ils ont chopé des acteurs rebeux qui font jouer dans le désert d'Arizona. Non, mais ils aiment bien les trucs approximatifs, les Américains, tu vois. Ouais, c'est, voilà. C'est, alors, je crois que c'est Penelope Cruz chez eux, elle a dû faire une Mexicaine, une Italienne, enfin bon. Ouais, c'est ça. Ça rappelle Transformers 1 avec la phase où ils sont au Moyen-Orient, et pour eux, les mecs, ils ont tous des caissiers sur la tête. Et voilà. Ouais. Et alors le seul moment où il y a de la musique pour insuffler un peu d'énergie, c'est quand discours est en train de faire, quand Boudère est en train de faire un gros discours pour expliquer la stratégie qui va finir par relever l'entreprise et tout. Mais alors la manière dont c'est filmé, en fait, c'est juste une suite de, enfin. Tu sais, c'est le fameux moment avec de la musique et le mec qui est filmé sous, et plein de trucs qui sont filmés sous toutes les coutures, tu vois, pour signifier de l'action. Mais le problème, c'est que là, il filme le même moment où Boudère parle, mais juste, on dirait qu'il y a des cuts, en fait, où il le filme de droite, de gauche, de droite, de gauche. Donc, en fait, c'est un peu statique, quoi, tu vois, même si c'est censé apporter un peu d'énergie, quoi, tu vois. Et en fait, le film, donc le générique de fin, tu vois qu'il est censé se vouloir une ode aux téléconseillers qui nous ont téléphone, voilà. Que c'est un peu particulier, quoi. Après, dans les autres rôles, faut noter outre Jackie Borrier, il y a Lionel Astier qui joue un mec qui veut qui est un politique, voilà, qui veut. Qui justement envoie le mec dans ce bled perdu pour en disant que en redressant la boîte, bah lui ça va lui servir pour avoir des voix, enfin voilà, des trucs comme ça. Et alors attends, il y a quelqu'un d'autre, je retrouve plus son nom. Je sais plus son nom, mais il y a un autre mec en fait qui joue dans Kaamelott. Le mec qui fait le roi Burgonde. Voilà, donc c'est un peu voilà, c'est un mélange de, il y a pas de gros stars, il y a des têtes connues, mm-hmm. Mais il y a pas de gros stars quoi. Même Jackie Berroyer, je veux dire, voilà, il est connu parce que Époque Canal machin, qu'il a fait plein d'autres trucs, enfin voilà, mais c'est pas non plus la grosse star quoi, tu vois. Ouais. Je te dis que le jeune premier, moi je suis scotchée, le mec qu'on te balance comme ça. Alors attends, j'essaie de voir où il est parce que j'essaie de trouver parce que je le trouve plus du tout. Je l'ai vu nulle part en fait ce mec-là. Donc je pense pas qu'il fait grand chose. Ah voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et ben en filmographie, il a fait des trucs mais pas tant que ça en fait. Il a travaillé de 2010 à 2019 et en fait c'était son premier film en fait, Opération 118 318. Paf, ouais, des premiers rôles. Hein? Il a pas rebossé derrière après. Si, justement, c'était son premier film. c'est très bizarre, parce que le premier film, en fait, il est balancé en jeune premier. Série TV, il a été dans Astérix et Obélix au service de sa majesté, il faisait un légionnaire. Donc, ouais. Du coup, c'est d'un coup, tu passes premier rôle à légionnaire. Donc, genre de film, c'est des trucs à tout petit budget qui ont été produits en se disant à l'autre, c'est son premier film, il s'est dit, vas-y, je vais faire je vais tenter un truc avec un scénar pourri, mais je vais essayer de faire une réal correct, et puis t'arrives là, t'as ni l'un ni l'autre, parce que t'as des acteurs tout poches, t'as des... Ah non, attends, les acteurs, moi, enfin, les acteurs de second rôle, ils sont pas si mal, hein, je veux dire, mais, surtout ceux qui font les téléconseillers, enfin, je trouve qu'ils font pas, ils ont pas grand chose, et puis on leur donne pas à jouer à quelque chose de passionnant, hein, ils se débrouillent, hein, mais voilà, quoi. Là, franchement, là, je viens de tomber sur la fiche de ce fameux film, et j'ai vraiment envie de faire du mal, quoi, franchement. Marie, tu vois la piste, tu fuis, quoi. Pourquoi? Non, mais en fait, il est sur Prime Video. Voilà, s'il y en a qui ont la curiosité de les voir. Et en fait, déjà, sur Prime Video, ils ont marqué qu'il était de 2020. Donc, c'est pas... Bon, après, c'est... Je me suis douté qu'il était pas de 2020, parce qu'avec le titre, faire un film avec un titre comme ça en 2020, ça serait un peu décalé. Ça serait encore plus, tu vois. Mais... du nombre de vues, ils voulaient vraiment pour leur top 2020, on va pouvoir appeler le film. Non, mais en plus, je l'ai vu. Par contre, ils l'ont peut-être ajouté cette année dans le catalogue, parce que... En fait, ce que moi je trouve bien, c'est que Prime Video est en train de devenir une plateforme qui va récupérer plein de comédies françaises. On l'a vu, ils ont récupéré les films qui sont sortis récemment, genre Connecté ou Brutus vs César, qui sont pas forcément des films Calmy, mais qui restent. Voilà, mais ça reste. Mais ça reste des productions françaises et du coup, je trouve ça pas si mal parce que ça permet de pouvoir d'un côté, épurer les salles de cinéma, parce que finalement, quand tu sors des films comme ça en salle de cinéma, on sait que ça va pas faire tant d'entrées que ça, en fait. Qui se souvient de Bienvenue à bord, avec Valérie Mercier notamment, et puis tout un casting machin, bah il est sur Prime maintenant. Tu vois, donc finalement, ça offre une deuxième vie à ces comédies. C'est tellement mieux que ça, quoi. Non, mais ça offre une deuxième vie à des comédies qui n'ont pas forcément marché en salle. Et je trouve ça pas mal. Bienvenue à bord, il n'y avait pas dedans? Je crois, ouais. Ouais. Attends, je vais voir le truc. C'était non, il y avait un sacré casting aussi, mais c'était à cette époque-là, ils aimaient bien faire des castings à rallonge pour des comédies de merde aussi. Donc, alors, attends, bienvenue à bord, qui date de 2011. Ouais, il y avait Gérard Darmon aussi. Donc, Franck Dubosc, Valérie de Mercier, Gérard Darmon. Il y a Lionel Astier aussi. Ah, c'est un sériel. Sérieux acteur, lui. Elisa Servier, Philippe Lelouch, Charlie Bousquet, Rime Kérissi. Il y a même Enrico Macias. D'ailleurs, hier, je fais un aparté, hier, il y a Robert Castel qui est décédé, oui. qui était pareil, rapatrié d'Algérie, et qui était un mec qui faisait de l'humour qui est noir. Comme les Philippe Clair, etc. Voilà. Ouais, bah cette semaine, ça a été assez dévastateur pour le cinéma, parce qu'on a perdu aussi Dark Vador, David Prose. Ouais, et attends, il y a quelqu'un d'autre aussi, je ne me souviens plus. Philippe Clair, voilà. Ouais. Exactement, on a perdu aussi Philippe Clair, qui est justement un mec dans lequel il y avait des second rôles dans ses films, qui était un... très spécial, particulier, enfin voilà, qui avait des têtes aussi, voilà, c'est pas, c'est, voilà, on en revient à ça, en fait, Après, je vais juste faire une aparté, moi, ces films, je les ai jamais pissés, et, comme d'habitude, quand le mec, décède, on lui pièce des couronnes de fleurs, alors qu'on lui a chié dans la bouche, 3 semaines avant. Et ça, c'est un truc, l'hypocrisie à sa plus haute, Non, mais après. Niveau, seulement, le seul truc que je peux lui accorder, que j'ai dit, que je remercie, c'est le Fureur en folie. Oui, mais justement, tu vois, le truc, c'est que c'est pas le même public. C'est pas moi, un traumatisme. C'est pas le même public qui lui chie dans la gueule que celui qui va l'encenser, en fait. Hein, donc, et que ces derniers temps, en fait, celui qui a eu pignon sur rue, c'est celui qui était adepte de ces films, quoi. Alors que pendant 20-30 ans, c'était plutôt ceux qui aimaient pas ces films qui pouvaient ouvrir, quoi. Donc il y a ça aussi. Donc bah moi en fait voilà, opération 318 c'est si vous voulez vraiment le mater, faites autre chose en même temps, quoi. Un film pour faire les pattes. C'est ça. Pour faire le repassage. C'est, mais exactement, voilà. Ouais, donc ma sœur appelle ça les films de repassage, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Nelson, je suis sûr que même si tu devais mettre une petite notice sur le film, tu mettrais du genre eh ben, mes pâtes ont été très bien cuisinées devant ce film. Je conseille les pâtes, pas le film. C'est ça. Bon, du coup, Les Affranchis, pour toi. Alors, Les Affranchis, donc, sorti en 90, daté du bouquin de Nicolas Pileggi. Donc, c'est un film de Martin Scorsese avec Ray Liotta et la bande habituelle d'acteurs de Scorsese, à savoir De Niro, principalement De Niro, comme il s'appelle Joe Pesci, avec donc l'équipe habituelle des bonnes gueules de mafieux des films de Scorsese et autres petites séries B de mafieux qu'on retrouvera aussi par la suite dans The Sopranos. Il y a beaucoup d'acteurs que j'ai vus dans justement les Affranchis qu'on retrouvera par la suite dans The Sopranos. Et donc en fait ça raconte l'histoire de Henry Hill, qui est un jeune garçon qui évolue dans un quartier blindé de mafieux dans New York dans les années 50, et son ascension au sein de la mafia en tant qu'affranchi, donc non italien, et qui comment dire, c'est en fait c'est grandeur et décadence d'un jeune homme qui rentre dans la mafia étant tout jeune et qui en sort à la fin à devoir donner des noms de ses collègues au FBI. Donc c'est du grand classique, hein, dans le récit, avec une très bonne avec des très bons acteurs, notamment moi je suis en VO. Ray Liotta, bon moi j'aime beaucoup, hein, Ray Liotta dans ce film. Mais curieusement, j'ai vraiment accroché à Lorraine Bracco. J'avais vu le film en VO il y a quelques années, mais je m'étais pas attardé là-dessus. Et en fait, j'ai rematé ça cette semaine et putain, mais Lorraine Bracco, les moments hystériques qu'elle a, mais putain, c'est incroyable, quoi. Moi, franchement, elle m'a scotché. J'avais complètement zappé les moments où elle devient complètement hystérique. Et c'est vraiment des séquences du film que je me suis repassé tellement je trouvais ça ouf, quoi. Je pense que Lorraine Bracco, je pense que c'était quand le type d'actrice en fait qui est sous-estimée parce que comme elle dégage pas quelque chose de trop glamour en fait, du coup elle est moins mise en avant et du coup les gens se rendent pas compte en fait à quel point elle est bonne, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors je vais pas m'éterniser longtemps sur le film parce que il y a énormément de gens qui en ont parlé. Il y a notamment le père de Vache sur une très bonne analyse dans Chroma. Non, je veux surtout parler en fait de la méthode en fait dans les ces films. Parce que bon, on voit qu'en fait Scorsese, ces films de mafia, c'est basé sur les grandeurs et décadences de ces membres de la mafia. La plupart du temps, à une période donnée, donc à leur période faste, tu vois, donc les années 30, l'après-guerre. Et en fait, le récit, la manière de structurer le récit, les personnages, c'est toujours pareil. Et en fait, là où ça, où à un moment en fait ça devient lassant, et ben c'est avec comment ça s'appelle ce film déjà, The Irishman. Ah là, t'as dévié là. T'as dévié. Mais non, je reviens en fait. D'accord. Je peux pas dévier là-dessus parce que ouais. Autant. Tu fais un comparatif, quoi. Mais non. Je veux dire qu'à un moment la méthode s'essouffle. Ouais, bah c'est possible, hein. Il y a quoi entre The Irishman et Les Affranchis, il y a quoi, 20 ans, 30 ans, comme ça, 30 ans, ouais. Et malheureusement, en fait, ça se. Enfin, quand tu regardes The Irishman, tu retrouves pas du tout la même ambiance, en fait. C'est-à-dire que quand tu regardes The Irishman, t'as l'impression de voir De Niro devant un fond vert pendant les trois quarts du film. Mais c'est pire que ça, c'est De Niro sur un fond vert et avec des effets spéciaux dégueulasses, quoi. The Irishman, moi, j'ai pas ressenti, j'ai eu du mal à sentir le côté épique, en fait. Il y avait plein de gens qui disaient, c'est une leçon de cinéma et tout. Et finalement, j'avais juste l'impression de voir un truc qui appliquait beaucoup ce que Scorsese il savait déjà faire. Et en fait, je trouve effectivement, on en parlait entre tout à l'heure que concernant DiCaprio, tu vois le Loup de Wall Street. Là, tu te dis que Scorsese, il est pas fini, qu'il a beaucoup de choses à faire encore. The Irishman, je sens que tu vois. C'est du Scorsese cheap, The Irishman. Et c'est là où le truc, c'est que Scorsese, c'est un mec qui fait, tu vois, il y avait cette interview de Mathieu Kassovitz chez Vidéoclub Combini, où il disait qu'il regrettait beaucoup le côté artisanal du cinéma au profit du tout numérique. C'est ça, ouais. C'est pas faux en soi. Et ça s'adapte bien à un mec comme Scorsese, bien que pour avoir vu le Loup de Wall Street et avoir vu les featurettes du Loup de Wall Street, il y a beaucoup de choses qu'ils ont rajoutées en numérique. Mais Scorsese, c'est une manière de raconter les histoires, c'est une manière aussi de planter les décors, c'est de l'image aussi. Parce que son chef-op, c'est pas un aveugle. Le mec, il a une manière particulière de rendre l'image très très belle. Et ça, si tu veux, on retrouve pas ça dans The Irishman. Et alors que quand tu regardes ses anciennes productions, tu retrouves ce truc, tu retrouves le grain de folie de la grandeur et la solitude de la décadence dans Les Affranchis, dans Casino, bien que moi j'ai toujours aimé la partie grandeur, mais la partie décadence d'un coup me gêne énormément. J'arrive pas à m'y faire. Chaque fois que je regarde la deuxième partie de Casino, je me sens très mal. Tu nous fais un panorama sur la film de Scorsese, quoi. En fait, c'est surtout parce que tu vois, c'est pour faire un comparatif en fait entre le moment, enfin trois films qui parlent de la même chose, mais qui à un moment, dont à un moment, la narration s'enraye. Mais du coup, en fait, pour toi, Les Affranchis, qu'est-ce qu'il a de plus par rapport à ce film-là ? Eh bien, justement, une narration claire, une narration qui est claire, des personnages, tu vois, qui sont réellement charismatiques. Un personnage comme le mafieux joué par Paul Sorvino j'ai oublié son nom malheureusement, mais qui est joué par Paul Sorvino dans Les Affranchis, il a un vrai charisme. Il parle pas, c'est un visage, c'est une gueule. Quand il parle, t'es là, tu dis oh putain, le mec est dans Réviota, il est dans la merde, tu vois, tu regardes le truc, t'es peiné pour lui, tu vois. Parce tu que rentres plus facilement dans l'histoire, quoi. Ouais. T'es plus en empathie avec les personnages. Exactement. Et c'est là où justement, je retrouve plus ça au fur et à mesure des autres films. Parce que dans Casino, moi je te dis, dans Casino, la deuxième partie, je me sens à chaque fois mal. Quand je regarde les vues, je me dis, non, je suis pas bien. Alors c'est la manière. Moi je dirais que c'est plus la manière dont sont conçus les personnages, plus que la narration. Il y a la narration, mais c'est la manière dont sont conçus les personnages aussi. Non parce que les deux. Oui et non. Oui parce que ça tient très bien les personnages dans comment ça s'appelle dans le Casino. Quand tu regardes Joe Pesci, qui joue toujours le petit nerveux de service. Mais il a, tu vois, sa voix, son intonation, les manières dont il joue et tout, ça peur, tu vois. C'est la Joe Pesci style, quoi. Voilà. Par contre, quand tu le vois dans The Irishman, c'est là, tu dis, Il est plat. Tout le putain. Ah bah, il a déjà plat. Plus l'ognac, hein, tu vois. Là, je pense que Joe Pesci, il a été pris parce que il avait envie d'une espèce de réunion avec tous ses acteurs habituels et que, voilà, c'est même plus, là, c'est en voilà. Fait, c'est presque pire que ça parce qu'à la base, ça c'était première ou je sais pas pourquoi qu'il l'a révélé. Pesci, il voulait pas tourner. Et lui, pour lui, c'est mal, il est à la retraite, il voulait pas tourner. C'est Scorsese qui a insisté au moins 3-4 fois avant que Pesci y aille, quoi. Le mec, il était tranquille à couler sa retraite et tout, ouais. On vient de bosser, quoi. Ah ouais, tu m'apprends un truc. Et moi, tu vois, c'est vraiment, pour moi, si je prends le film, enfin, le film de Scorsese parlant de mafia que j'aime le plus, c'est vraiment Les Affranchis. Casino n'est pas, c'est pas mon préféré, comme je viens de le dire, mais The Irishman, c'est clairement pas, c'est vraiment, parce que tu regardes, 3h30 de ce que tu pouvais voir en 2h avec Les Affranchis, en plus clair, moins chiant. Moi dans un EHPAD. Ouais, moi dans un EHPAD, ouais. Moi dans un EHPAD. Je veux dire, même les séquences, même avec la famille, avec la fille, tu veux pas parler à son père dans The Irishman, mais les séquences familiales dans Les Affranchis, enfin, putain, c'est... Tu sens, t'es intégré au truc, tu as l'impression que tu fais partie de la famille. Là, dans celui-là, tu regardes le truc. Tu... Ouais. Alors, il y a aussi un autre truc, c'est que Scorsese, à l'époque où il a fait Les Affranchis, il était encore en position de père lui-même en tant que dans sa position familiale, dans sa propre vie personnelle. Là, il est plus un grand-père. Alors, je sais pas si sa fille a eu des petits ou pas, voilà, c'est encore une autre vision, tu vois, c'est comme quand on dit, on critique souvent les Tim Burton récents, mais Tim Burton avant et Tim Burton maintenant, entre-temps, il a eu une famille, donc ça influe aussi ce genre de truc sur un réalisateur, sur sa manière de travailler, donc je pense qu'il y a ça aussi. Coppola, son style a évolué, c'est toute son histoire, Coppola, dans ses films, un peu. Coppola, lui, je trouve que c'est à l'envers, en fait, c'est-à-dire que en vieillissant, lui, il se met à avoir une démarche comme un étudiant en cinoche, en fait. Oui, lui, les trois derniers, comme c'est trop, voilà. Mais quand on regarde ces films avant, c'est-à-dire Dracula, et puis surtout Le Parrain 3 ou d'autres trucs, tu sens qu'il y a un peu de son histoire personnelle à chaque fois, et tu sens que... Oui, mais ça, justement, ça date un peu. Mais c'est pour ça que je te dis, en fait, sur la fin, tu sens qu'il a une espèce de ressouffle comme ça, où il a envie de redécouvrir comment faire le cinéma, quoi. Ouais, et moi j'aime bien, c'est son aspect un peu nouveau, jeune étudiant, et son dernier film, moi j'aime bien, quoi. Ouais, c'était assez surprenant sur tes trous. Oui, ouais, mais là, c'est le truc, surtout sur ces réals-là, qui sont quand même des légendes, quoi, du cinéma. Il y a des périodes où on suit, c'est clairement, on sent vraiment un rattachement à leur vie. Mais là, je sais pas réellement si c'est parce que c'est un grand-père et que le mec, il dit, je vais faire un dernier film de mafia avec mes potes et puis on va faire on va faire une grande réunion et puis on va reparler comme au beau vieux temps de Lucie la main froide qui est refroidie. C'est possible, hein. Un espèce de film testament comme ça, en fait, où il se dit au moins si j'y passe, j'en aurais fait un dernier et au pire, je pourrais refaire passer à complètement autre chose après, quoi. Ouais, mais franchement, trois heures de film. Parce qu'il a encore des projets là. Je sais plus s'il a encore un projet avec Netflix, mais il me semble qu'il a aussi un projet avec une autre plateforme. Ou je sais plus. Mais il a encore des projets en fait, Scorsese. Donc il ne sait pas. Tu vois, tu dis putain, plus chier quoi. J'avais vu Wall Street. J'étais putain, mais c'est incroyable. Tu vois, je n'avais pas vu celui qu'il a fait après, là, avec les prêtres qui sont au Japon, j'ai oublié le nom du film. C'est pas très bien marché, là. Ah, putain, merde. Ah, c'est pas grave, laisse tomber, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave. Tu vois, tous ces projets, enfin, tous ces films qu'il a fait ensuite, et même qu'il a fait avant, tu dis, putain, mais le maire, on est, tu sais, les années 2000, il sort un nouveau truc, il dit, waouh, c'est ouf, son vide, derrière les années 2000, bam, il sort Louis Bolsky, je sais pas. Et tu sens qu'en fait, il a une putain de patate avec certains acteurs. Et par exemple, tu vois, voilà, quand j'ai regardé Les Affranchis, Bon, on commence à dévier sérieusement, mais là quand ah bah on a dévié depuis un moment, je pense qu'il va falloir s'en regrouper en fait là. Non mais je termine là-dessus. Quand tu regardes les affranchis, les affranchis, je regardais Réliota et je me disais putain mais c'est ouf. Sur Réliota, j'ai vraiment l'impression de regarder comme la manière dont tu joues, je me dis putain mais je pourrais vraiment retranscrire DiCaprio dedans quoi, tu vois. Et quand tu regardes DiCaprio avec Scorsese, eh ben tu dis putain mais c'est ouf, c'est la même énergie que Réliota, c'est les mêmes trucs, tu vois. Et tu dis mais waouh. Réliota, au passage, maintenant on le voit dans des trucs. Ouais, non, en fait, et j'ai l'impression que des fois il joue un peu son image de mec qui peut faire un peu peur ou quoi que ce soit. Je l'ai vu dernièrement dans Ubi Halloween sur Netflix, le truc d'Adam Sandler en fait qui reprend son personnage de. Je sais plus, d'un film qu'il avait fait il y a peut-être 20 ans, un truc comme ça, et avec une thématique Halloween. Et en fait, il est dans un registre purement comédie, on sent qu'il n'est pas là pour jouer bien, mais en même temps, il joue pas faux, hein, mais c'est juste que, voilà, on sent que dans le registre comédie, on sent qu'il aime bien aussi, juste pour ne pas se prendre la tête, quoi. Comment? Pas que ça, je pense pas. Je pense que des fois aussi, il a peut-être envie de faire des trucs plus légers, quoi, juste, voilà, ça repose. C'est vrai quoi. Je suis là, je suis venu pour prendre un café, ça me repose un peu. Ça va. Non, mais il y a aussi le plaisir d'avoir un tournage, mais sans forcément que ça t'impacte émotionnellement aussi quoi. Non, mais après, il a fait des par la suite, il avait fait des films sympas, malgré ce qu'on peut en dire, il y en a beaucoup qui chient sur ce film, mais moi je l'avais beaucoup aimé dans Absolom 2029. J'avais beaucoup aimé son rôle dedans, il faut le héros, mais j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Il jouait, il me semble, je sais plus si c'est Dragon Rouge ou Hannibal, en fait, la scène où il se fait manger le cerveau. Alors qu'il est vivant. Je crois que c'est dans Hannibal. Je crois que c'est Hannibal, ouais. C'est dans Hannibal. Dans Hannibal, quand il se fait grave. Oui, d'ailleurs, la scène qui est extrêmement mal vieillie, parce que tu regardes le truc, tu dis, oh, putain, comment c'est mal fait. Oui, mais alors ça, il y a la même chose dans Kill Bill, hein. Quand tu regardes la scène où Lucy Liu, la scène coupée, machin, quand tu regardes les photos où elle pose en se marrant, tu vois, hors scène avec Uma Thurman, tu te rends compte qu'ils lui ont doublé de volume sa tête, quoi, tu vois, pour faire le cerveau au-dessus, quoi. Moi, je l'avais vu dans Réliota dans Narc. Et dans Narc, il jouait le rôle d'un keuf pourri. Et il était vraiment très bon. Et il était aussi dans Copland. C'est un bon acteur. Mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, ce mec-là, les Affranchis, vraiment, je ressens la même énergie et le même. Putain, mais tu pourrais retranscrire. Comme il s'appelle DiCaprio dedans. Et en fait, je pense que Cortez, tous les trucs qu'il a donné tous les trucs qu'il a tourné avec DiCaprio, c'est justement, il devait sentir cette même énergie-là. Et du coup, c'est ouf comment ça ressemble, quoi. C'est vrai qu'on a beaucoup comparé quand la collaboration de Scorsese et DiCaprio à celle que Scorsese avait avec De Niro, mais j'ai pas l'impression. Effectivement, c'est peut-être plus proche de celle avec Ray Liotta, quoi. Mais en tout cas pour Ray Liotta, en fait, j'ai souvenir que dans Les Affranchis. Effectivement, émotionnellement, tu sens au niveau de l'interprétation, au niveau de l'histoire, tu sens vraiment en fait le personnage. Tu es à un moment, tu finis par avoir l'empathie, se sentir à sa place, quoi. Mais voilà, mais je me suis un peu écarté du truc, mais vraiment c'est pour dire que la manière la manière dont les films sont racontés dans les Scorsese, elle est complètement elle ne marche plus dès lors qu'on arrive à partir de la formule Scorsese habituelle n'est plus valable de nos jours, quoi. Voilà. Ok. Du coup, en fait, toi, tu l'avais vu Les Affranchis, Nio? Oui, j'ai vu il y a un petit moment déjà, mais c'est un film que j'ai déjà vu. Juste deux trois petits mots vite fait, quoi, parce que. Non, par contre, je vois pas quoi dire de plus. C'est vraiment les films. On dit que c'est des films cultes. Oui, c'est des films cultes. C'est le corpus de films dits classiques entre guillemets. Et quand je dis classique, ça, c'est par respect justement de la chose avec le côté le plus noble qui soit. de toute la filmographie de Scorsese, quoi. C'est, voilà, si on devait retirer 5 à 10 films de Scorsese, je pense que ta franchise serait obligatoirement dedans. C'est peut-être le genre de film qu'on peut conseiller pour les gens qui veulent découvrir Scorsese. Ouais, voilà, exactement. C'est dans, il est extrêmement accessible, je trouve, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est accessible et c'est une qualité. C'est une qualité. Et bon, et après, il y a des films complexes qui peuvent être regardables aussi. Ça, c'est aussi une qualité. Mais ce que je veux dire, c'est que la franchise, t'as un casting, t'as les thématiques de Scorsese, t'es en plein dedans, etc. C'est du pur Scorsese. Tu ne seras pas déçu, quoi. C'est sa grande période et voilà, quoi. Ouais, tout à fait. Agreed. Bah du coup, moi, je vais enchaîner avec Vox Lux. Vox Lux, qui, bah, on a à l'époque, enfin, il date de 2018. Et à l'époque, on avait eu droit, en fait, à voir la bande-annonce de promo. Il a été présenté à la Mostra de Venise. Il était en compétition de 2018. Mais au final, bah, il a rien rapporté. Il est sorti directement en DVD chez nous. Et, et là, en fait, il est disponible sur Universciné, donc à la location, s'il y en a qui sont curieux d'aller voir. Donc, au scénar, enfin, à l'interprétation. Alors, déjà, pour le réalisateur, alors attends, il faut que je retrouve mes notes. Donc, le réalisateur, on a dit, c'est Brady Corbett. Brady Corbett, il me semble pas qu'il ait fait grand chose. Attends. attends. Comment? Enfin, si. Non, mais c'est bon, je vois. Brady Corbett. Alors, attends. Le truc, c'est qu'il a, si, je dis bêtise, il a fait plusieurs trucs. D'ailleurs, dans son film, il y a deux actrices, Rafi Cassidy, et surtout qui joue, enfin, t'as Natalie Portman, Jude, et Rafi Cassidy. Et les chansons sont composées par Sia, la chanteuse. Et en fait, Jude Law, Natalie Portman et Sia sont prod exécutifs. Donc ils sont assez, ils sont investis là-dedans. Il faut savoir que les chansons sont interprétées par Natalie Portman et Rafi Cassidy. Je pense que c'est pour accentuer le fait que, enfin, il voulait pas une voix parfaite, parce que l'histoire est censée arriver à une fille lambda, tu vois, qui a pas de talent particulier du jour au lendemain. Donc bon, on sent qu'elle était investie, parce que t'as toute une scène de concert à la fin pour Natalie Portman. Bon, voilà, il y a eu elle a dû pas mal bosser les chorés, machin et tout, quoi. Donc voilà. Donc Brady Corbett, en fait, il est le film est pas si mal, hein. Bon, après j'ai plein d'autres trucs à dire, mais voilà, il a fait de la télé, il a réalisé pour 24 heures chrono, il a sorti, enfin voilà, il a fait de la télé. Il est surtout acteur a priori. J'ai dit, je confonds tout. En tant que réalisateur, il a fait allez, un court-métrage et un, deux, trois films, voilà. Mais c'est assez sobre, en fait, mais comme réalisation, et ça se voit, en fait. C'est pas, enfin, c'est, on sent qu'il a, enfin, que c'était une volonté. C'est pas juste par flemmardise que la réalisation est sobre, mais c'est sa volonté. Enfin, il a insufflé un certain style, en fait, dans le film. En fait, il a, donc comme je dis, il était présenté à la Mostra de Venise en 2018. Il démarre en fait en 99. L'histoire commence en 99. C'est l'histoire de Céleste, en fait, qui est une jeune ado qui survit à une fusillade dans son école. Et voilà. Et dans la réalité, en fait, 99, c'est l'année de la fusillade de Columbine. Là, c'est pas Columbine, mais tu vois, c'est pour rappeler le truc. Et suite à une chanson qu'elle chante, donc elle survit après opération et tout machin, et suite à une chanson qu'elle chante lors d'un hommage aux victimes de la fusillade, elle va avoir la possibilité d'enregistrer la chanson et d'embrasser une carrière dans la musique avec beaucoup de succès. Et le film se déroule sur presque 20 ans, en fait. Bon, sachant qu'il y a un gros gap, c'est-à-dire qu'on passe de au moment où sa carrière commence à décoller à poum, ça y est, elle est connue depuis longtemps, quoi. Il y a dans les acteurs aussi, donc outre Natalie Portman et Jude Law, il y a aussi Stacy Martin, qui est une actrice franco-britannique, qui joue aussi bien des films français que des films britanniques. que des films américains. Donc elle a joué, bon, elle a joué dans Nymphomaniac, hein, de Lars von Trier. elle a joué dans Tale of Tales de Matteo Garrone, dans La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil de John Farr, Taj Mahal de Nicolas Saada, Iras de Ben Wickler. Enfin, tu vois, elle joue vraiment, elle a une filmo aussi bien française que anglo-saxonne. Et son dernier projet, apparemment, c'est un autre film, le nouveau film de Brady Corbett, The Brutalist. Donc voilà, il se retrouve. Donc, et Rafi Cassidy, en fait, qui est la jeune actrice qui joue Céleste jeune, et qui joue aussi la fille de Céleste, qui sera jouée par Nathalie Portman adulte. Donc elle joue à la fois deux rôles, en fait. Et donc les premières phrases du film, en fait, sont hyper pompeuses. C'est-à-dire que c'est narré par un c'est dit, l'histoire racontée par un narrateur. Le narrateur, c'est Willem Dafoe. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai pas que il a une très bonne voix, tu vois, c'est nickel et tout, mais c'est super pompeux, les phrases du début, parce que tu sens qu'ils ont envie d'en rajouter des tonnes. En plus, après, t'as le générique qui est un peu particulier, qui fait un peu concept, parce qu'il rappelle comme les génériques de la fin, mais passé à l'envers, et qui sera similaire d'ailleurs à la fin, ça sera le même générique exactement, mais passé dans le sens, aussi à l'envers, voilà. Et tu vois, de faire ce genre de générique, ça démontre déjà qu'il pose l'ambition d'un certain standing de film, ça lui donne un style, en fait. Et en fait, l'histoire relate une histoire, mais en fait il y a pas le côté sensationnel qu'il pourrait y avoir, tu vois. Pourtant on vit des trucs, c'est-à-dire que le personnage de Céleste, émotionnellement, elle passe par plein de trucs parce que elle doit gérer ce qu'elle a vécu, parce qu'elle est encore, même adulte, elle est encore hantée par cette fusillade, et elle est aussi elle doit gérer toute sa célébrité qu'elle a beaucoup de mal à gérer. C'est un combat qui va pas s'oublier aussi vite, hein. Voilà, mais il y a cette célébrité où on la regarde constamment, tu vois. Et donc, forcément, c'est un peu cliché de la chanteuse qui verse dans la drogue, l'alcool, enfin bref. Il y a des idées visuellement, tu vois. Il y a des accélérations, des superpositions d'images qui combinées, tu vois, la voix du narrateur donne un certain rythme, en fait, à ces moments-là. Mais en fait, quand tu regardes, on a là un biopic d'un personnage fictif. Mais ça n'a pas la flamboyance des biopics de personnes qui ont existé, en fait. Le passage, y a un passage pour signifier que l'adolescente va passer rapidement à l'âge adulte, et que quand elle rencontre un musicien qui est plus âgé qu'elle et qui va avoir une histoire, c'est lourdingue, ça sonne cliché. Mais néanmoins, c'est intéressant parce que il y a une des scènes, en fait, qui est filmée un peu comme un film un peu old school. C'est-à-dire qu'il y a les acteurs posent, enfin, on dirait qu'ils posent, ils déblatèrent un dialogue sur un fond de musique de violon façon film en noir et blanc. Voilà, il y a des, en fait, il y a comme ça des petites tentatives de réalisation par-ci par-là, quoi. De style de réalisation. On veut qu'il lui donne un style, quoi. L'interprétation des acteurs d'une manière générale est plutôt juste. Mais en même temps, en fait, on a l'impression qu'ils sont un peu frustrés. Excepté pour Nathalie Portman, qui, elle, en fait, est assez animée, en fait, dans son rôle. Elle est très à l'aise. Je dois dire que c'est... Enfin, elle joue bien d'habitude, hein, toujours. Mais pour là, j'ai l'impression que c'est presque comme si elle était épanouie, quoi, tu vois, enfin, en tout cas dans son rôle d'actrice. Moi, c'est l'impression que ça m'a fait, quoi. Et en fait, tout le film, c'est en gros, c'est le parcours d'une perte d'innocence vers un cynisme lucide, voilà, pour le personnage principal. En gros, c'est ça. Après, Jude Law, lui, il est le pas si mal dans son rôle non plus, quoi, mais c'est pas fou, quoi. C'est pas, enfin, voilà, c'est pas un mauvais film. Mais c'est loin d'être un film excellent non plus, quoi. Mais c'est voilà, c'est intéressant à regarder. Ok. Voilà. Ok. Écoute, en tout cas, oui, en tout cas, c'est. Mais le réal, comment dire, le réal, il a fait un peu de télé et tout, mais après il a plus sorti d'autres trucs depuis, en fait. Bah si, en fait, si, si. Genre en 2020, je veux dire, Attends. Oui, mais après, parce qu'il a fait pas mal d'acting, hein. Quand tu regardes, il a fait beaucoup d'acting aussi, hein. Donc, il a fait Vox Lux, et après, il a fait un truc qui s'appelle 30 sur 30 Vision, 3 Decades of Trend Rising, enfin, c'est, on sait pas trop, c'est un truc pour Joku, mais il a fait beaucoup d'acting. Donc, et je pense que ça doit être le genre de mec, qui doit être, ouais, bah, 30 sur 30, c'est apparemment, c'est un truc où il y a plusieurs réalisateurs, donc ça doit être un truc à sketch, donc, voilà. Et donc, du coup, ça doit être le genre de mec qui prend son temps pour réaliser, quoi, et qui doit être acteur à la base, quoi, parce qu'il a commencé sa carrière d'acteur dans les années 2000, quoi. Donc, il est pas principalement réalisateur. Mais justement, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça le laisse décanter un peu ses projets, ce à quoi il pense. Et finalement, c'est ce qui fait aussi que son film n'est pas inintéressant et qu'il tente des trucs de réalisation, tu vois. Si c'est je suis à peu près persuadée que si son boulot, ça serait de réaliser tout le temps en permanence, en parallèle de sa vie d'acteur, s'il réalisait plus de trucs en parallèle de sa vie d'acteur, je suis persuadée qu'au bout d'un moment, il finirait par trouver une formule de réalisation qui changerait pas. Là, je suis curieuse de voir ce que donne son prochain, en fait, voir s'il va utiliser, un peu les mêmes formules ou s'il va être encore dans une espèce d'expérimentation de réalisation, quoi. Mmh. Donc voilà. Okay. Bah, écoute, j'espère que pour la semaine prochaine, on aura le temps de voir un peu plus de trucs, quoi. Ouais. Mais de toute façon, moi aussi, hein, j'étais un peu ric-rac en termes de temps. Enfin, il y a des semaines comme ça. Après, par chance, on aura les salles qui vont rouvrir dans une dizaine de jours. Vraiment très très fort, quoi. Mais moi, il y a que c'est prévu normalement dans ce qui sort avec deux films qui m'intéressent, parce que Soul le Pixar il est sorti sur Disney Plus, donc hop. Ouais. Il est pas sorti sur Disney Plus, je me souviens plus. Bah non, mais c'est comme Mulan et Disney Plus, hop, ils ont pris le dernier Pixar, ils le sortent directement chez eux, quoi. Ils vont pas le sortir en salle. Cette année, ils ont même apparemment Warner oui. Sortir en 2021 ces trucs en même temps sur HBO en même temps en salle. Donc c'est alors le truc c'est que justement tu vois j'avais vu en fait c'est une évolution auquel apparemment on va devoir se faire au fait que les films sortent à la fois en salle et en streaming et finalement je trouve ça pas si mal parce que t'as des gens en fait qui se déplaceront pas en salle mais finalement au détour d'un truc chez eux alors ok ce sera pas avec la même qualité mais qui vont se donner la chance de le voir chaud dans leur canapé quoi. Alors qu'ils auront peut-être pas envie de se déplacer jusqu'en salle, quoi. Donc, je pense que c'est une ouverture. Bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, pour Prime Video, hein, qui récupère les films pour les vieilles comédies françaises, enfin, pour moi, c'est juste une chance de plus pour les mater, quoi. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Ouais. Perplexe, les mecs. Ouais, je suis perplexe, moi, parce que, tu vois, il y a tu vois en ce moment ces dernières années les salles quand même c'était le seul truc qui a échappé à la crise c'était bien les salles de cinéma et maintenant on se retrouve que avec le malgré avant il y avait déjà un peu de streaming on va faire les vrais affaires Netflix ça a pas en France ça existe pas depuis très très longtemps. Mais quand même, tu vois, là, tu donnes quand même un coup de couteau dans le dos aux exploitants de salles, quoi. Alors, de ce côté-là, moi, j'entendais effectivement un truc qui est assez vrai, c'est que l'industrie du cinéma a toujours s'adapter, elle a toujours eu un moment de son histoire, eu affaire à des difficultés, avec l'apparition de la VHS, ou des... Bon, à chaque fois, ils ont su s'adapter et je pense que le streaming on le voit d'un mauvais œil comme ça mais ça va être pareil hein. C'est-à-dire qu'à un moment les salles de cinéma vont se réadapter sur autre chose c'est juste que ça oblige à changer une formule qui est là quoi. Ouais, je pense que j'ai l'impression que c'est l'évolution de trop je pense. Après je peux me tromper hein, bon, de toute façon on verra bien je dis ça à chaud je peux me tromper donc. Bon, on verra bien. Bon, quoi qu'il en soit, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. la semaine prochaine. Dimanche prochain. Ouais. Et puis bah on vous fait un gros bisou, on vous remercie de nous écouter, c'est super gentil. Voilà. Au revoir. On vous dit à bientôt. Au revoir. Ciao.